بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le sixième hadith, le hadith al-sadis, qui est le hadith de Nu'man bin Bashir, qui lui-même englobe de grandes sagesses quant à la préservation de l'honneur de la personne, qu'il évite de tomber dans les péchés, et également l'état de son cœur. Donc il dit, قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت نعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات تبرى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحماء يشاق أن يرتع فيه ألا وإن لكل مالك حماء ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مدعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يعني الحديث متفق عليه. Dont la traduction sera approximativement que Nu'man ibn Bashir rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Certes, le halal, l'illicite, est clair, et le haram, l'illicite, est clair, et qu'entre eux deux, il y a des choses à équivoque, ambiguës, que grand nombre de personnes ne connaissent pas. Alors celui qui craint les ambiguïtés, c'est certes prémuni pour sa religion et son honneur. » Alors que celui qui tombe dans ses shubuhat est tombé dans l'illicite. À l'exemple du berger qui ferait paître son troupeau aux proximités d'un champ interdit dans lequel il serait dans le point de rentrée. Et n'est-ce pas que pour chaque roi, il y a un domaine interdit? Et n'est-ce pas que le domaine interdit d'Allah sont ses maharim, les choses qu'il a rendues illicites? Et n'est-ce pas que dans le corps, il y a un bout de chair que s'il est réformé, tout le corps le sera? Et que s'il est corrompu, tout le corps le sera, et il s'agit du cœur. Donc le shir commence en disant « قوله الحلال بين والحرم بين ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وإنما النبي صلى الله عليه وسلم والمبلغ عن الله فقوله عنه يحل لهم الطيبات حرموا عليهم الخبائث أي que certes, l'illicite est clair, éclairci, clarifié. Et le haram, il en est de même. Il a été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce qui est halal, c'est ce que Allah a rendu halal. Et ce qui est haram, c'est ce que Allah a rendu haram. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ne fait que retransmettre, propager d'Allah. Et quant à sa parole, dans le sens relatif à rapproché, qu'il vous rend licite les bonnes choses et qu'il vous interdit les mauvaises choses, c'est-à-dire qu'il vous retransmet cela d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-halal bayyin ma'rufun adaykum mithl bahimat al-an'am wa sharb al-ma' wa akl al-khubz wa akl al-lahm wa sa'il al-fawakih mimma huwa halal. طيب لا يعتريه التحريم. C'est-à-dire que le halal est une chose qui est claire, connue auprès de vous, comme par exemple le bétail parmi les troupeaux, ou le fait de boire de l'eau, ou le fait de manger du pain, ou de manger de la viande, ou toutes sortes de fruits. Tout cela qui est halal tant qu'il n'est pas rentré une chose qui leur est interdite. Wal haram bayyin mithl al khamr wal khinzil wal mayta wal dam wal libs min al harir liman laysa bi hukka wal libs al dhahab li rijal min al buyu' النجش والغر والغرور je sais pas comment on dirait le غرور والربا et également ce qui est interdit est clair et connu comme par exemple l'alcool ou le porc ou la chair morte c'est-à-dire la viande sur laquelle n'a pas été prononcé le nom d'Allah qui n'a pas été gorgé selon le rite islamique authentique et le sang ainsi que dans le coutrement les vêtements comme le fait de porter de la soie pour celui qui ne serait pas atteint de démangeaison. Car la soie, comme vous le savez, est interdite pour les hommes, hormis dans les cas spécifiques. Et également le fait de porter de l'or pour les hommes. Et parmi les ventes, comme le fait de faire le najash, c'est par exemple, tu voudrais acheter une marchandise et un homme viendrait à côté de toi, se mettrait à vanter cette marchandise et à demander plus que son prix. Par exemple, le vendeur te dit cela est vendu à 50 euros. Et lui vient et dit, oh, c'est une bonne chose, une bonne marchandise, c'est de la qualité, moi je te la prends pour 55 euros. En vue de quoi? Que toi-même, par cela, tu veux cette marchandise et que tu la payes plus cher que lui. Donc en fait, cet homme, lui, n'a pas pour but d'acheter cette marchandise, juste c'est un complice du vendeur pour la vendre plus cher. Donc cette façon de vendre est interdite. Ou le fait également de tromper les gens, hein, ou le riba, dans les ventes, le riba. Toutes ces choses-là, il est connu qu'elles sont interdites. Il faut savoir que l'origine dans les choses de ce bas monde, c'est la permission. Les choses dans ce bas monde sont permises. Comme le prouve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Hein? Il est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. وَقَوْلُهُ كُلْ مَنْ حَرَّمَ سِنَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Qui a rendu interdites les parures qu'Allah a produites pour ses serviteurs et les bonnes choses qu'il a sorties pour eux. Ces versets prouvent que l'origine dans les choses de ce bas monde, c'est la permission. Non. Tant qu'il n'y a pas une preuve qui vient pour dire que cela est illicite. وَمَا تُوفِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اكْتَمَلَ الدِّينَ تَرَكْتُكُمْ عَلَى بَيْضَاءَ لَيَالِيهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم n'est pas décédé tant qu'il n'avait pas complété cette religion. Comme il le dit dans sa parole, صلى الله عليه وسلم, je vous ai laissé sur une voie claire de jour comme de nuit et n'en dévie qu'une personne vouée à la perdition. فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ بَيَّنَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà éclairci et clarifié ce qui est halal, ce qui est haram. Imma bayyanahu Allahu fi kitabihi nassan. Soit c'est Allah qui l'aura clarifié dans un texte spécifique, yani clair. Wa imma bayyanahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lid-dalalah ala annahu nabi. Ou alors c'est lui, le prophète lui-même qui l'aura démontré que cela est interdit du fait qu'il est un prophète par la prophétie. Hein, par la prophétie. أَمَرَهُ اللَّهُ بِالْبَيَّنِ. Et que Allah lui aura ordonné de clarifier la chose. قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Comme le dit Allah dans le sens relatif rapproché, dans Surat Al-Ma'idah, verset 67, il dit « Ô toi le messager, retransmets ce qui est descendu sur toi de ton Seigneur. » Donc de là, on voit que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui révèle, qui apporte la révélation à son messager afin qu'il démontre aux gens ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. إن الحلال بين والحرام بين. Donc certes, l'illicite est clair et le haram est clair. مثلا الزنا واضح. La fornication, c'est une chose qui est claire. وقتل النفس التي حرم الله تحريمه واضح. Et le fait de tuer une vie qui est interdite, hein, cela est une chose illicite claire. والكذب, le mensonge, والغش, l'escroquerie, وغير ذلك من المحرمات. Et autres parmi les choses interdites qui sont claires. Il y a des choses qui sont claires. Ensuite, le shirk poursuit en disant وَهُنَاكَ أُمُرْ مُتَشَابِهَا. Il y a par contre des choses qui sont, elles, ambiguës, équivoques. مِثْل شَرَبْ النَّبِيذ. Le fait de boire du nabiz. Nabiz, c'est une boisson يعني, comment on dirait cela, à base de fruits fermentés. Fruits ou autre chose. Parmi les produits alimentaires, hein, que tu laisses tremper dans de l'eau une certaine période, et si tu laisses trop longtemps, cela devient quoi? De l'alcool. Wa qad yakhtalifu fiha. Cependant, il y a eu une divergence sur le nabiz. Wa bourd an-nazar an rajih min fil at'ima. Et également, là, le shir, comme il dit, cite des choses sur lesquelles il y a eu des divergences, hein, sans regarder la parole la plus juste, bien que celle-ci soit connue. Il cite des choses sur lesquelles il y a eu divergence, bien qu'il y ait une parole authentique dessus, qu'elle soit illicite. Comme ou licite, hein, qu'elle soit illicite ou licite. Comme par exemple l'arme al-khayr, comme le fait de manger du cheval. Ou l'arme al-dobr, ou la viande de lézard. Le dobr, c'est une forme de lézard qu'il est permis de manger. Ou fil libes, mifl libes al-mu'asfir, ishtabaha la ba'dihim. Comme le fait de se revêtir de vêtements teints au safran. Hein, teints au safran. Il s'agit là d'un sujet sur lequel la chose a été ambiguë pour certains savants. Bien qu'il y ait des preuves prouvant, par exemple, que ce vêtement, lui, est interdit, c'est tachabou bikoufar. Bien que certains ont des preuves claires, comme le nabiz, hein, comme c'est un mouskir, c'est une chose qui enivre, elle est interdite. Ou le fait de manger du cheval, il n'y a aucune preuve qu'il est interdit. Du fait que, comme nous l'avons dit, l'origine dans les choses, c'est la permission. Il n'est pas venu de texte stipulant l'interdiction du cheval. Plutôt, nous dirons même qu'il y a des hadiths qui sont venus pour prouver qu'il était permis d'en manger. Mais je ne les ai plus en tête. Ou l'ahm dobr, le fait de manger du lézard, également. Hein? Du fait que le prophète Mohammed, lui, est refusé d'en manger, mais ça se revient à ses goûts à lui. Cependant, il ne l'a pas rendu interdit aux autres. Donc il dit « وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْأَلْبِسَةِ مِثْلَ حَاتِمِ الْحَدِيدِ اِخْتَلَفَ فِي بَعْدُهُمْ » Ou également comme le fait de porter un anneau de fer. Hein, porter un anneau de fer, qu'il y a eu divergence sur le sujet. وَالصَّحِيَ جَوَزْ لِبْسْ حَاتِمِ الْحَدِيدِ لَا سِيَمَا لِلنِّسَةِ. Et la parole la plus juste, authentique, c'est que cela est permis. Hein, car le prophète Mohammed, lui, avait une bague d'argent avec le sceau prophétique dessus, et ensuite il le jeta. Ça y est, il l'a jeté. Mais le fait qu'il l'ait jeté ne veut pas dire qu'il est rendu interdit pour les autres. قَوْلُهُ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَرَاعِي يَلْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُشَكُّ أَنْ يَرْعَى فِيهِ. Donc sa parole, que celui qui craint les ambiguïtés, les choses équivoques, c'est certes prémuni dans sa religion et son honneur. Et celui qui tombe dans ces choses ambiguës, lui est tombé dans le haram, l'illicite, à l'exemple du berger qui ferait paître son troupeau autour d'un champ, yani interdit, sur lequel il serait sur le point de rentrer dedans, dû à la proximité. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, ثبت عنه عند هذا الحديث في رجل دعا آخر لطعام وطعامه ذلك مختلط بحلال وحرام فقال ابن مسعود لكم الهنا وعليهم الإثم أذن لهم بالأكل في مثل هذا. Donc ابن مسعود dans ce hadith il dit qu'un homme a été invité par un autre pour un repas et que ce repas Yani a été acheté avec de l'argent mélangé, de halal, de haram. Donc Ibn Mas'ud, il dit, c'est-à-dire celui qui a mangé, hein, toi, il n'y a aucun blâme sur toi, nul grief sur toi, et tu as eu le profit alimentaire de ce repas. Alors que le péché sera sur ton hôte, celui qui aura invité. Car c'est lui qui aura mélangé de l'argent halal et haram. Toi, tu ne savais pas, d'accord? Et dans cet argent-là, il y avait du halal. Donc il n'y a pas de blâme sur toi. Par contre, le blâme revient à l'hôte, celui qui a invité. Il aura autorisé de manger de cette nourriture. Amma in alima al-insanu annahu min haram sarf wa huwa muta'akkid min dhalika fa huna yabta'id la yanbaghi an ya'kula min dhalika at-ta'am alladhi huwa min haram sarf. Mathalan dhahaba wa ishtaghala fi riba fi al-bank wa 'indahu dakhal min huna wa min huna. Donc il dit, cependant, si une personne sait parfaitement hein, que cet argent provient de haram, pur, sans avoir été mélangé avec de l'argent halal, et qu'il est sûr de cela, alors à ce moment-là, il doit s'en éloigner. À ce moment-là, il doit s'en éloigner et ne pas manger de cette nourriture. Et il ne convient pas qu'il mange de cette nourriture. Cependant, ou par exemple, celui qui, par exemple, travaillerait dans le riba, hein, l'usure, à la banque, par exemple, et qu'il ait également de l'argent qui rentre de par-ci et par-là, c'est-à-dire de l'argent halal et de l'argent haram, et qu'il ne sait pas, c'est-à-dire l'invité, maintenant on parle de l'invité, a été invité par une telle personne qui est travaillée à la banque, hein, à son salaire qui est pris de cette fonction, cependant il a également des rentrées d'argent autres que celle-ci parmi des voies licites. Donc l'invité ne sait pas si cette nourriture provient de cet argent haram hein, ou halal. Donc à ce moment-là, il lui permet de manger et le péché reviendra sur l'hôte, sur celui qui aura invité. Et l'invité, lui, aura droit au profit alimentaire. Naam. قَوْلُهُ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ. Et qu'entre les deux, c'est-à-dire entre le halal et le haram, il y a des choses ambiguës. يدل على أن هذه المتشابهات ليس معناه أنها لا تعلم البتة Donc, il prouve quoi? Que ces choses ambiguës, cela ne veut pas dire qu'elles sont méconnues dans leur totalité. Qu'on ne connaît pas le jugement qui s'en rapporte dans leur totalité. Lakin ya'lamuha ahlul 'ilm, cependant, sont connus auprès des gens de science. Wa ahlul 'ilm ma hum aktharun nas. Et cependant, les gens de science sont une minorité. Les gens de science sont eux une minorité. Wa aktharun nas hum al-'amma. Et la plupart des gens, c'est les awam, les gens de la masse. لكن الموفق من الموفق من الذين لا يعلمونها هم الذين يبتعدون عنها. Cependant, ceux qui ont les موفقون, c'est-à-dire ceux à qui le succès a été accordé, hein, parmi ceux qui ne connaissent pas ces choses-là, le jugement qui s'en rapporte, sont ceux qui les évitent, justement. Hein. Quand tu vois une chose, tu ne connais pas le jugement qui s'en rapporte, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, et tu n'as pas la science sur cela, eh bien, le tawfiq qu'Allah va t'accorder, c'est que tu délaisses ces choses-là, tu t'en éloignes. Et ceux qui leur posent problème, hein, ceux qui leur posent problème dans le jugement de cette chose, alors ils reviennent aux gens du rappel, c'est-à-dire les savants, les gens de science. Et il se peut même que certaines choses posent problème aux savants. Hein? La chose pose problème aux savants. De là viennent les divergences, comme vous le savez très bien. De là vient une divergence. Vous allez voir un savant qui va dire cela est interdit. Un autre vous dira, cela est permis. Un autre vous dira, cela est détestable. Un autre vous dira, cela est recommandé. Et ainsi de suite. Donc là vient la divergence. Cheikh Fawzan, dans le char du hadith, lui parle, par rapport justement à cette divergence dans le sujet à équivoque, il dit « Wahaza min al-afat al-mawjouda fi nas al-an » Donc là, cela fait partie des fléaux actuels au milieu des gens, au sein des gens. « Ba'duhum yakoul « Madama fi dhalika khilafun falisa alayya harajun » Donc des gens, c'est-à-dire le fléau, c'est que des gens aujourd'hui disent, tant qu'il y a divergence sur le sujet, alors il n'y a aucun blâme sur moi que je prenne la parole que je veux. Hein? Nakul la bel alika an tatahara al halal lianna fi'laka hadha qad yajurruka ila wuquf al haram wa la tastabri li dinik wa la li 'irdik wa al khilaf la yusawwir ladayka al wuquf fi hadha al shay. Donc le shir, le shir Fawzan, il dit que dire une telle parole, c'est-à-dire que tu as le droit de prendre ce que tu veux, cela n'est pas permis. Plutôt, il te revient de chercher ce qui est licite, hein, de t'efforcer à trouver ce qui est licite. Car en faisant ça, c'est-à-dire en prenant la parole qui t'intéresse, la parole que yani qui te convient à toi, cela peut t'emmener à tomber dans ce qui est haram. Et tu ne seras pas prémuni dans ta religion et dans ton honneur. Et que cette divergence ne te permet pas de tomber dans ces choses-là. C'est-à-dire de tomber dans ce qui pourra porter atteinte à ton honneur et à ta religion. Car beaucoup, vous le savez, c'est une chose aujourd'hui, c'est un virus. Comme on dirait un virus, ce côté de divergence entre les savants, que chacun prétend qu'il y a une divergence, donc il prend la parole qui lui convient. Non, toi tu dois t'efforcer de trouver hein, la parole juste. Et c'est pour ça que le Shir, Hafizahullah, lui dit, Shah Yahya, tu demandes au savant. Et quand tu lui demandes sa preuve sur cela. Car un savant peut faire un ijtihad, ou une chose peut ne pas lui avoir été éclaircie, comme il se doit. Naam. Donc le shir reprend en disant, shir Yahya, hafizallah, wa Abu Bakr, radiallahu anhu, kana lahu mamlouk, yatihi bil kharaj, wa yum min ayyam ataw bit ta'am, wa qala lahu, hadha ta'am kuntu takannahtu fil jahiliya, wa ma uhsinu al kihana. Ghayl anni khada'tuhu, fa wajadani al yum, fa a'tani, fa ashtaraytu hadha ta'am. فأدخل أبو بكر يده في فيه وتقيع وطرش ودي على الطرش كل ما في كل ما في بطنه سواء من حق ذلك المملوك أو من غيره والحديث من عن عائشة متفق عليه. Donc là il raconte l'histoire que Abu Bakr radiallahu anhu avait un esclave qui un jour lui vient avec de la nourriture et il dit. Et Abou Bakar mangea de cette nourriture. Et ce servant lui dit, à propos de cette nourriture, l'argent avec lequel il a acheté cette nourriture, qu'auparavant, il faisait de la voyance ou de l'astronomie. Hein, avant, dans la Jahiliya, dans l'époque pré-islamique. Alors qu'il ne savait pas faire cela. C'est-à-dire, il a fait de la voyance, hein, et le faisait mal. Donc, il l'a fait avec un homme. Il lui a prédit l'avenir ou des choses dans ce genre. Et en fait, il a trompé cet homme-là. Hein? Et aujourd'hui, il a rencontré cet homme, qu'il a trompé auparavant, Et cet homme lui a donné de l'argent avec lequel ce servant a acheté cette nourriture qu'il a donnée à Boubacar. Donc lorsque ce dernier entendit cela, il mit son nom dans sa bouche et fit vomir tout ce qu'il avait avalé de cette nourriture. Peu importe qu'il s'agisse de l'argent halal ou haram, car l'argent était mélangé. Abu Bakr, radhiyallahu anhu, s'est fait vomir cette nourriture, par crainte de tomber dans quoi? Dans ce qui était haram. Et ce hadith est rapporté par Aïcha, muttafaqun alayh. Thabata ibn hadith al-Hassan ibn Ali, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: "Dar ma yaribuk ila ma yaribuk. Fa inna sidqa tu'manina wa al-kadhib riba." Qu'il est venu également un hadith, je me suis arrêté où, qu'il y a un hadith rapporté par Al-Hassan ibn Ali, qui est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le prophète lui a dit: délaisse ce pourquoi tu doutes pour ce pourquoi tu as de la certitude. Car la véracité y en y rassure, alors le mensonge en perplexe. Et cela fait partie, ou hadha min tark ash-shubuhat, cela fait partie du délaissement des choses ambiguës. ومر بنا قريبا من كتاب اللقطة حديث أنس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. Donc le shir dit qu'ils ont pris un hadith dans un livre dernièrement, c'est-à-dire à l'époque où il a fait son charh, rapporté par Anas et Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait trouvé une date chez lui et qu'il a dit: si jamais je ne craignais pas qu'elle provienne d'une sadaka, je l'aurais mangée. Car vous le savez que les sadakas étaient interdites pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les gens de sa maison. Donc lui, par crainte, ne sachant pas d'où provient cette date, il l'a délaissée, il ne l'a pas mangée. Fawa mawa mutayakin annaha min sadaka. Donc il n'était pas sûr qu'elle provienne du sadaka. Qad takunu min sadakati wa takunu min ghayriha. Walakinahu taraka dhalika istibra'a wa tajannuban lishubuhat. Donc, comme ne sachant pas d'où elle provenait, est-ce qu'elle était d'une sadaka ou d'autre, lui l'a délaissée, pour se préserver, se prémunir dans sa religion, et pour éviter les choses ambiguës et équivoques. Donc sa parole, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُّهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Donc celui qui a délaissé les choses ambiguës, c'est certes prémuni, prémunisé dans sa religion et son honneur. وَقَوْلُهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُّهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Et que celui qui est tombé, qui tombe dans les choses ambiguës, est tombé dans le haram. Ma'na dhalika anna alladhi yaqa fi shubuhat yatajarra'a 'alayha qad yatajarra'a 'ala haram yartakibu shubuhatan ba'd shubuha wa ma yubali fama tadri illa wa qad waqa fi haram wa tajarra'a 'ala haram. Donc cela veut dire que celui qui tombe dans les choses ambiguës et qui s'y adonne, il se peut qu'il s'adonne à tomber dans le haram également sans s'en rendre compte. Qu'il applique les choses ambiguës et celles-ci s'enchaînent les unes après les autres, à tel point qu'il finit par tomber dans le haram. Et lui, il ne s'en soucie pas. Vous voyez, il n'y apporte pas d'importance, il n'y donne pas d'importance. Alors sans même s'en rendre compte, lui tombe dans le haram. Il tombe dans le haram du fait que quoi? Il ne soit pas éloigné des choses ambiguës. Cela l'a amené à quoi? Tomber dans les choses illicites, directement. قوله كراعي يرعى حول الحمى. À l'exemple du berger qui ferait paître son troupeau aux proximités d'un champ interdit. وهذا معروف راعي يرعى حول الزرع ما تدري إلا وقد قفزت بعض مواشيه بين الزرع يوشك أن يقع فيه يحوم حولها من هذا الجانب ومن هذا الجانب فراعي البعيد من الزرع ما تصل مواشيه إلى الزرع. وإن ذهبت بعض المواشي ما إن تبدأ تمشي إلى الزرع إلا ويراها. Donc il dit, comme l'exemple justement de ce berger, qui ferait paître aux proximités d'un domaine interdit. Donc cette proximité, ça amène à ce que, sans même qu'il s'en rende compte, il se peut qu'une de ces bêtes se rende dans ce champ interdit, car les troupeaux, tu le sais, tu n'es pas obligé de tous les voir. Tu peux avoir un moment d'inattention, et de là, une bête du troupeau s'éloigne, fait un bond, passe une barrière et se retrouve là où c'est interdit. Donc de là a été cité l'exemple. Alors que cependant, si jamais il était éloigné et avait mis une distance entre lui et ce champ interdit, au moindre éloignement d'une de ces bêtes, il s'en rendrait compte et pourrait la retenir et l'empêcher d'aller dans ce champ interdit. فضربت الأمثال من القرآن والسنة لقرب فهمها للأذهان. Donc de là, hein, on a été cité des exemples dans le Coran et la Sunna afin d'éveiller les esprits. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Hein, alors dans le sens, il dit, et tels sont les exemples que nous exposons aux gens, et seuls ne les comprennent ou ne les raisonnent que les savants. Comme soit Al-Ankabut, l'araignée, verset 43. وهذا باب واسع مسألة الورع والاستبراء للدين. Et il dit le shir qu'il s'agit là d'un sujet vaste qui touche au wara. Al-wara, c'est souvent traduit par la piété, mais on va dire la définition dans la terminologie de la religion, c'est le fait de délaisser une chose qui pourrait être permise ou ambiguë par crainte que cela nous nuise dans l'au-delà. D'accord? Car la piété, c'est quoi? La piété, c'est mettre entre toi et Allah une chose qui te préserve de son feu, de son châtiment. Al-taqwa. Hein? Al-taqwa, c'est mettre une protection entre toi et Allah de son châtiment. Mais le wara, c'est le fait de délaisser une chose en ce bas monde qui pourrait te nuire dans l'au-delà. Une chose ambiguë. Et également le fait de se prémunir pour la religion. Le chir pour son disant Rajulun yakulu laka abi yamel fil bank wa yamel fil daraib wal jamalik wa yursil li ba'd al asha ana anha fil ghina taqul lahu ijtanib hadha. Un homme te dirait par exemple que son père, dit mon père, travaille dans la banque, ou travaille dans les impôts, les taxes, ou dans les douanes. Et il m'envoie parfois des choses dont je me passe, je ne suis pas dans le besoin. Alors toi tu lui dis, évite cela, ne prends pas de lui. Hein? Ça c'est Mbeb el-Wara. Tu ne prends pas de lui, car cet argent tu ne sais pas, ou du moins tu as une base, tu sais qu'il provient de choses illicites, et de plus, en plus de cela, tu te passes, hein, de ce qu'il t'envoie. Tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas une daroura, ce n'est pas une nécessité. Donc délaisse cela. Rajulu da'aka wa ma'indahu dakhal ila min adal haram faqat wa anta muta'akid annahu ata bihi min haram fashtanib hadha. Également, un homme t'invite et tu sais que son salaire ne provient que de choses illicites. Hein? Tu es sûr de cela. Alors lui, tu ne manges pas chez lui. Tu l'évites. Bien qu'à la base, c'est lui qui commet un péché directement. C'est pas toi. C'est lui qui commet un péché. Mais toi, délaisse ce qui te rend perplexe pour ce dont tu es sûr. Hein? Toi, tu es perplexe du fait que cet argent-là, il se peut que dedans il y ait du halal. Mais tu n'en es pas sûr. Alors toi, par contre, tu es sûr que si tu ne manges pas de cette nourriture, tu n'auras pas de péché. De là, tu fais quoi? Tu délaisses. Tu n'y vas pas. Non. ورجل من المسلمين دعاك للطعام وعنده مال خليط من هذا ومن هذا وانت لا تدري اين الحلال من الحرام فتاكل والاثم عليه كما قال ابن مسعود لو الاثم ولكم الهناء. Donc également, un homme musulman t'invite à manger et cependant son argent est mélangé entre du halal et du haram. Toi tu sais qu'il y a des commerces illicites et des commerces licites. Par exemple, il travaille à la banque et d'un autre côté, par exemple, on dit qu'il vend des livres. Hein? Il a un double salaire. Cet homme-là t'invite. Et toi, tu ne sais pas la nourriture que tu vas prendre, est-ce qu'elle est mélangée du halal ou du haram? Dans ce cas-là, toi, il t'est permis de manger. Toi, tu vas en tirer le profit alimentaire et c'est lui qui aura le péché d'avoir dépensé de l'argent illicite. Naam, comme l'a dit Ibn Mas'ud précédemment. Et attention, le chir a bien précisé, un homme musulman. Hein, c'est un homme musulman. Si c'est un kafir, c'est autre chose. Mais un musulman, Inch'Allah, tu peux y aller. Thumma yakul. Le chir reprend en disant Muslim da'aka, la tadri malu halal am haram, ta'kul. Wa la yalzam an tas'al, a huwa min dakhil halal am haram. Et également, cet homme-là qui t'invite, hein, avec cet argent mélangé, tu n'as pas à lui demander d'où est cet argent. Si toi, tu as un doute et tu sais qu'il a de l'argent halal, de l'argent haram, il ne te revient pas de lui demander d'où vient cet argent. Et tu manges, Inch'Allah. Il n'y a rien sur toi. وَقُولُهُ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ قَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِي وَعِرْضِي. Donc là, il reprend dans le hadith que celui qui craint, hein, les shubuhat, c'est certes prémuni, ou prémuni pour sa religion et son honneur. حَتَّى فِي الْعِرْضِ الَّذِي مَا يَتَّقِي الشُّبُهَاتِ فِي الْعِرْضِ. Et également, cela touche à l'honneur. Hein. Cela ne touche pas qu'à la religion, mais également à ton honneur. Qu'il faut que tu prémunisses ton honneur, que tu le préserves. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرأته صافية جاءت تزوره فقام معها يكلبها إلى البيت فمر بعض الصحابة رضوان الله عليهم فقال إنما هذه صفية قالوا سبحان الله يا رسول الله قال خشيت أن يكذف الشيطان في قلوبهم شرا أو قال شيئا Donc, comme le hadith, le fameux hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en irtikef, et que sa fille, sa femme, vient pour le visiter. Et de là, des sahaba passèrent au loin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit compte qu'ils regardaient vers lui. Ils l'ont vu avec une femme. Donc lui a dit quoi ? Innama hadhihi safiya, c'est juste safiya. Donc eux, ils ont dit quoi ? Subhanallah, ya Rasulallah. Et lui leur dit, juste j'ai craint que Shaitan ne mette une chose dans votre cœur, un mal. J'ai eu peur que Shaitan lance une chose dans votre cœur. Du fait que quoi? Que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour fermer les portes, car il est certain qu'il est prémuni des grands péchés, ce genre de choses. Il est préservé de cela, infaillible là-dedans. Cependant, comme il dit, Shaitan lui est rapide et court dans les veines de Bani Adam. Donc lui, pour fermer les portes, quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une femme voilée, donc ils ne savent pas qui elle est, pour ne pas qu'ils aient un doute, qu'ils se disent, ouais, qui est cette femme avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler, lui, il a fermé les portes, il les a devancés en disant, c'est sa fille. Pas de doute, n'ayez rien à craindre, pas de crainte en cela, cette femme avec laquelle vous me voyez, c'est ma femme, sa fille. Istadallu bi hadha al-hadith ala tabara'i al-ird. وأن الإنسان ينبغي أن يبرأ عرضه والإنسان الذي لا يبالي بما يحصل منه يسمى ماجن كما في مختلف الصحاح يقولون الماجن الذي لا يبالي بأي شيء يحصل منه والذي يبرأ عرضه يعتبر صيانة هذا الصائن لعلمه الصائن لعرضه الصائن لشرفه صيانة فالصائن لعرضه عكس الماجن الذي ما يبالي. Donc il dit quoi ? Ils ont pris comme preuve ce hadith, que l'homme doit préserver son honneur. Qu'il doit préserver son honneur et s'innocenter. Quant à celui qui est insouciant, qu'il se fiche de tout, qu'il aille à droite, à gauche, qu'il fasse ce qu'il veut, lui, il est appelé ma'adjin. En arabe, ça voudrait dire un impudent. Toi, tu dois faire en sorte de commettre, ou plutôt d'accomplir des actions qui te blanchissent, comme on dirait. Éviter tout ce qui pourrait amener à ce que les gens te soupçonnent. Tu les devances. Quant à celui qui, lui, se contrefiche de tout cela et va à droite à gauche, il ne prête pas attention à ce qui pourrait souiller son honneur ou son image. Lui, c'est appelé un ma'adjin, un impudent. C'est une personne peu soucieuse. Alors que l'autre préserve son honneur, préserve sa noblesse, préserve sa religion et fait preuve d'un comportement légiféré en cela. Thumma yaqul yastadilluna biqissat Yusuf alayhi salam annahu ma radiya an yakhruja min al-sijn hatta yatabayyana annahu bari' min al-tuhma. Et également, sur ce sujet, ils ont pris comme preuve l'histoire de Youssouf alayhi salam. D'accord ? Lorsqu'il fut mis en prison, il refusa de sortir tant qu'il n'a pas été prouvé son innocence. Tant que son innocence n'a pas été prouvée. Lui a refusé de sortir jusqu'à ce que le roi se rende compte qu'il est innocent de ce dont il a été accusé. Donc cela revient à la même chose. Pourquoi ? Car il aurait pu sortir de prison. Et par la suite, les gens disent, il est sorti de prison, cependant, nous on voit qu'il est toujours coupable de ce qu'il a fait. Et bien Youssouf alayhi salam, lui, n'est pas sorti, a refusé de sortir de prison tant qu'il n'a pas été reconnu qu'il était innocent de ce dont il était accusé, injustement. La siyama talib al-ilm, fa'inna al-nas ma yanzuruna ila aqwalihi faqat, bal yanzuruna ila af'alihi, wa li nahjihi, wa li tariqatihi. Fa siyanat al-ird lil-muslim matloubun li talib al-ilm akid. Donc il dit également pour le talib al-ilm, l'étudiant en sciences, qu'il sache que les gens ne regardent pas seulement, ne prennent pas seulement en compte ses paroles, mais également, ils tiennent compte de ses actes. Ils regardent comment il agit, comment il se comporte, la voie qu'il suit, Donc il doit préserver son honneur. Le Talib al-Ilm, peut-être plus qu'un autre du fait que lui, il appelle à Allah, également le savant. Lui, il doit préserver son honneur et faire bien attention à ce qu'il fait, ce qu'il dit, où est-ce qu'il se rend. Et qui le fréquente également. Ça, c'est une chose qui est désirée à la base pour tout musulman, mais à plus forte raison pour le Talib al-Ilm et le savant. Et de l'Ibn Rajab rapporte dans son livre de certains salafs. Il dit فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ اِلْتَكَبَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ عَرَضَ نَفْسَهُ لِلْقَدَحِ فِيهِ وَالْتَعْمِ كَمَا قَالَ بَعْدِ السَّلَفِ مَنْ عَرَضَ نَفْسَهُ لِلْتُهَمْ فَلَا يَلُمَنَّ مِنْ مَنْ أَسَابِي ظَنْ. Donc il dit, cette histoire-là, ce hadith, est aussi une preuve que celui qui tombe dans les choses ambiguës, équivoques, hein, et qui expose son honneur à être diffamé et être accusé, il aura provoqué cela de lui-même. Et de là, certains salafs, il y a une règle qui dit que certains salafs disent que celui qui s'expose à se faire accuser, alors qu'il ne blâme personne, aucune personne qui aurait un mauvais soupçon à son encontre, qui aurait un mauvais doute à son encontre. Par exemple, un homme se verrait rôder dans des lieux peu recommandables à des heures douteuses. Hein, à des heures douteuses. Eh bien lui, si demain les gens parlent sur lui, disent cet homme-là on le connaît, il va dans des lieux de péché à des heures suspectes, lui n'a pas à dire pourquoi vous pensez du mal de moi. Non, lui, c'est lui qui s'exposait tout seul à ce genre de choses. Hein? Il s'exposait lui-même à ce genre de choses, donc il n'a pas à blâmer les gens si cela aurait un mauvais doute à son encontre. On ne dit pas qu'il l'accuse, qu'ils affirment de lui qu'il a fait un péché, mais ils diront, cet homme-là, je doute de lui, pourquoi? Parce que je l'ai vu à telle heure, ou je le vois souvent à telle heure, à tel endroit. Donc je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, mais ce n'est pas normal. Donc cet homme-là, dont les gens doutent, n'a pas à les blâmer. C'est lui qui aura exposé son honneur à cette situation. De là, si demain on lui dit « qu'est-ce que tu faisais à telle heure, à tel endroit ?» il n'a pas à dire « ça ne te regarde pas, je n'ai pas à me justifier ». Non. Justement, tu prends exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec l'histoire de Safiya. Toi, tu devances les gens. Si jamais tu étais là-bas et tu étais une excuse, alors devance, sois intelligent. Applique ce hadith et devance les gens. Et préserve ton honneur en disant « ah, au fait, j'étais là-bas pour telle et telle chose ». Et c'est bon, tu t'es innocent, Inch'Allah. Mais toi, tu dis rien, tu passes, et les gens doutent de toi, t'as pas tout en colère. Et t'as pas à te dire « cela ne vous regarde pas ». Non, c'est les gens doutent de toi, c'est toi qui l'auras provoqué, de ta propre main. Donc ce hadith sert à ça, à préserver ton honneur de la diffamation. قوله الا وان لكل مالك حما الا وان حما الله محارمه. Donc sa parole, n'est-ce pas que pour chaque roi il y a un domaine interdit, et n'est-ce pas que le domaine interdit d'Allah sont ces choses qu'il a rendues haram. Le shir dit ان الله يغار وغيره الله ان ياتي المرء ما حرم الله عليه. Donc là il cite un hadith qui dit que Allah est jaloux, hein, la ghayra min sifatillah, c'est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala affirmé. Et que la jalousie d'Allah, c'est que l'homme, hein, enfreigne ses interdits. فَاللَّهُ عَزَ وَجَلْ حَرَّمَا مُحَرَّمَاتْ لَا يَجُوزُ الْاِرْتِدَاءَ عَلَيْهَا وَانْتِهَاكُهَا. Donc Allah a rendu des choses interdites et qu'il n'est pas permis de les enfreindre. وَأَبَحَ أُمُورًا لَا يَجُوزُ تَحْرِيمُهَا. Et qu'il a rendu des choses permises qu'il n'est pas permis de rendre interdites. قَوْلُهُ أَلَا وَإِنَّ لِلْجَسَدِ مُدْغَا. Donc quant à la parole dans le hadith, n'est-ce pas dans le corps un bout de chair? Ici, le bout de chair, enfin le chair, il dit El Mudra et El Kolb, Kama Mbayyin fil hadith. Ida salahat, salah al jasad kulluhu. Fa ulima fadl al kolb ala sayr al jawarih. Donc il dit quoi? Qu'il y a dans le cœur un bout de chair. Et ce bout de chair, c'est le cœur, comme cela a été clarifié dans le hadith. Hein? Et que si jamais ce bout de chair se réforme, alors le reste du corps le sera également, entièrement. Donc là, on voit le mérite du cœur sur le reste des membres. Hein? Le mérite du cœur sur le reste des membres. وَنَ الْعَقْلِ فِي الْقَلْبِ. Et que la raison, الْعَقْلِ, est dans le cœur. وَنْ كَنَا فِي إِرْتِبَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْدِمَارِ. كَمَا ذَكَرُ ابْنُ قَيِّمْ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى. Et bien qu'il y ait un lien entre la raison et le cerveau, comme l'a cité Ibn Qayyim, le vrai emplacement de la raison, c'est dans le cœur. قَالَ اللَّهُ عَزَوَجَلْ أَفَلَمْ يَسْيِرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أو أذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Donc Amala dit dans le sens la preuve que la raison dans le cœur, ne vont-ils pas sur terre afin qu'ils aient des cœurs avec lesquels ils raisonnent, hein? Lahum kulubun yaqiluna biha. Lahum kulubun yaqiluna biha. Ou des oreilles avec lesquelles ils entendent. Car certes, ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent, cependant ce sont les cœurs dans les poitrines. Ce verset démontre que la raison est dans le cœur. Al-aql fil qalb wal-khawl wal-jubn aidan fil qalb. Également la lâcheté, hein, et la peur sont dans le cœur. Qala ta'ala sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b. Nous allons jeter dans le cœur de ceux qui ont mécru la peur. Donc là, ce verset prouve que, donc il dit qu'également que ce qui touche à la peur, le fait qu'un homme soit lâche, peureux, et ainsi de suite, cela est lié à son cœur. Et le courage également est dans le cœur. Qu'ils maintiennent leur cœur et qu'ils raffermissent leurs pas. Qu'ils maintiennent leur cœur, par lequel ils raffermira leurs pas. Cela revient à quoi? Au courage. La preuve que le courage est dans le cœur. Wala khashiyya fil qalb. Qala ta'ala alam ya'ni lil ladhina amanu an tashaa qulubuhum li dhikrillah wa ma anzala min al haqq. Donc également la crainte se trouve dans les cœurs. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens relatif et rapproché, n'est-il pas venu le moment pour ceux qui croient que s'humilie leur cœur à l'évocation d'Allah et ce qu'il a descendu comme vérité. Wala quswa fil qalb, la rudesse également dans le cœur. Qala ta'ala thumma qasat qulubuhum. Il dit dans le sens relatif et rapproché, ensuite, leurs cœurs s'endurcirent. Après cela, ils sont comme de la pierre, ou bien plus durs que la pierre. La descente de la révélation également se fait dans le cœur. Comme le prouve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, il fit descendre le souffle de confiance. Ce serait qui là? C'est Jibril, alayhi salam. À la kol bikal itakuna min munzirin. Cette révélation a été descendue dans ton cœur afin que tu sois un annonciateur. Le munzirin, celui qui annonce en faisant peur. Wa nazarallahu lil qalb. Thabata fi Muslim min hadith Abi Huraira anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna Allah yanzuru ila ashsamikum. Donc Allah regarde également dans les cœurs. Comme le prouve le hadith rapporté par Abu Huraira, chez l'imam muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah ne regarde pas vos formes apparentes, vos corps on va dire, vos corpulences et vos corps, et ni votre image, ni votre apparence. Cependant, il regarde vos cœurs, et dans une autre version, vos œuvres. Hein? Vos œuvres. Walzayr fil kolb. Et la déviance également est dans les cœurs. Qala ta'ala, Rabbana la tuzir kulubana ba'd adaitana. Ô Seigneur, notre Seigneur, ne dévie pas nos cœurs après que tu nous aies guidés. Hein? Ne dévie pas nos cœurs après que tu nous aies guidés. Wa hadha qulu ta'ala, falamma zaru wa zara Allahu kulubahum, wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leurs cœurs et Allah ne guide pas le peuple de pervers. Wa taqlibu fil qalb. Et que le retournement a lieu dans le cœur. Qala ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra. Et nous retournons leur cœur et leur regard comme ils n'ont pas cru la première fois. Donc là, attention ce verset, regardez bien ce verset. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama la yu'minu bihi kama lam yu'minu bihi awwal marra. Que nous retournons leur cœur et leur regard du fait qu'ils n'y aient pas cru dès le début, dès la première fois. Cela mène à quoi? Attention, c'est un avertissement là, que lorsqu'une vérité nous vient, et qu'on la rejette dès son début, en connaissance de cause, hein, cela peut être une cause justement que Allah retourne le cœur et la vision. Donc attention justement, ça revient à quoi? Attention à l'orgueil. Lorsque quelqu'un te vient avec une vérité, ne la rejette pas de son début. Si toi tu as vu que c'est une vérité, prends garde à ne la rejeter, de peur que Allah par la suite retourne ton cœur et ta vision des choses. Naam. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Oh, toi qui retournes les cœurs, affirme notre cœur sur ta religion. والتصريف كذلك على القلوب والطبع على القلب ليست على العيون فدل هذا على أن القلب له أهمية عظيمة، وأن القلب إذا تلف أو تضرر ذلك الإنسان نسأل الله العافية، وإن مرض مرض صاحبه، وإن صح وسلم سلم صاحبه. Donc là on voit que tout cela ne touche pas les yeux, les membres. Tout cela prouve que le cœur a une importance primordiale. Le cœur a son rôle et une importance primordiale. Car s'il a mis le cœur se détériore, alors cela portera nuisance à l'homme. Et nous demandons à Allah la prémunité. Et si jamais le cœur se rend malade, la maladie du cœur, comme on dirait, alors cet homme sera malade. Et que si jamais ce cœur se voit serein et sain, alors la personne le sera aussi. Naam. وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْقَلْبَ وَالْمُسَيْتِرُ عَلَى هَدِي الْأَجْزَاءِ. Et la vérité, c'est que le cœur, c'est lui qui tient contrôle sur les membres. Le cœur, c'est lui qui a tout contrôle sur les membres. وَالْلِسَانُ تَعْتَرِفُ مِمَّا فِي الْقَلْبِ. Et que la langue retransmet, de par le parler, ce qu'il y a dans le cœur. فَيَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْتَنِيَ بِمَا يَدْخُلُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ أُمُورِ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ. Donc là, il convient à chaque musulman qu'il prenne garde à ce qui rentre dans son cœur parmi les choses liées à la foi. Que le musulman, tout musulman, doit prendre soin à regarder ce qui rentre dans son cœur, dans les choses qui touchent à la foi. وَالْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ. Et que la foi, elle, est dans le cœur. قَالَ تَعَالَى قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Car là, dans le sens, il dit que les Arabes, les Bédouins ont dit, nous avons cru. Dit, vous n'avez pas encore cru. Cependant, dites, nous nous sommes soumis, car la foi n'a pas encore plus place dans vos cœurs. La foi n'a pas encore plus place dans vos cœurs. Ce verset démontre que la foi est dans les cœurs. فَالْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَاِعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ. Que l'imène, comme nous l'avons dit, c'est la parole et l'acte et la croyance dans les cœurs. إِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Si ce cœur est réformé, le corps le sera entièrement. إِذَا صَلَحَ الْقَلْبُ صَلَحَتِ الْعَيْنَانِ فَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَا حَرَمَ اللَّهُ. Que si le cœur est réformé, les yeux le seront et ne regarderont pas ce que Allah a rendu illicite. وَصَلَحَ اللِّسَانُ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِمَا يُرْضِي اللَّهُ. Et qu'également, que la langue le sera et ne prononcera que ce qui amène la crainte d'Allah. وَصَلَحَتِ الْقَدَمَانِ فَلَا تَمْشِيَنَ إِلَّا إِلَّا مَا يُرْضِي اللَّهُ. Et également les pieds. Si le cœur est réformé et droit, les pieds le seront et ne dirigeront l'homme que vers là où Allah agrée. وَصَلَحَتِ الْيَدَانِ. Et que les deux mains également le seront. وَصَلَحَ السَّمْعُ. Et l'écoute également. وَصَلَحَ الْمَطْعَمُ وَالْمَشْرَبُ. Et également, sa nourriture sera conforme, ainsi que sa boisson. Il boira des bonnes choses et mangera de bonnes nourritures. وَلَهَذَا فَالَّذِينَ يَقُولُونَ قُلُوبُهُمْ طَاهِرَةٌ وَهُمْ يَتَزَاوَلُونَ الْأَعْمَالَ الْمُحَرَّمَةَ مِنْ اخْتِلَاطٍ وَنَظَرٍ إِلَى النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَالْمُصَافِحَاتِهِنَّ. Attendez. وَمُصَافِحَاتُهُنَّ وَالْتَلَذُّذُ بِحَدِيثِهِنَّ وَالْخُلْوَةُ بِهِنَّ وَغَيْرَ ذَلِكَ هَؤُلَاءِ مَا أَصَابُوا وَلَا صَدَقُوا وَمَا صَدَقُوا مَعَ أَنفُسِهِمْ وَلَا نَصَحُوا أَنفُسَهُمْ. ولو كانت قلوبهم طاهرة لم تفعلوا للدليل ولاستقاموا ولنتفعوا بالقلوب الطاهرة النظيفة ولكن يقولون قلوبنا طاهرة ويتجرؤون على هذه المعاصي وإنما هذه منهم أماني ومغالطات. Quant à ceux qui disent que leurs cœurs sont purs, des gens prétendent que leurs cœurs sont purs, alors qu'ils s'adonnent dans les actes illicites, comme par exemple la mixité avec les femmes, ou le fait de regarder des femmes étrangères qui leur sont interdites, ou de leur serrer la main, ou de prendre plaisir à discuter avec elles, ou de se retrouver seul avec elles, c'est-à-dire intimité, l'homme et la femme seuls dans une pièce, ou autre que cela, ceux-là ont tort, et n'ont pas été véridiques. Et n'ont pas été véridiques envers eux-mêmes, et ne sont pas conseillés eux-mêmes. Et que si jamais leur cœur avait été pur comme ils le prétendent, ils se seraient soumis à l'ordre et à la preuve. Et ils se seraient mis droit sur la droiture. Et ils auraient élevé leur personne hein, avec des cœurs propres. Cependant, eux, ils disent, nos cœurs sont propres, alors qu'ils s'adonnent à ces désobéissances. Et ils blâment ou rejettent ceux qui les conseillent. Hein? Ceux-là, qui disent que leurs cœurs sont purs, ne sont que des prétentions de leur part. Cela n'est que pure prétention. Wallahu ta'ala yaqulu laysa amanikum wala amani al-kitab man ya'mal su'an yujzabi. Cependant, cela n'est pas dû à vos prétentions ni aux prétentions des gens du livre, mais celui qui œuvre en mal, il sera rétribué en conséquence. Donc ce hadith, comme vous le savez, vous le voyez, il est salaha salaha jasad kulluhu, que si le cœur est réformé, tout le corps sera réformé. Cela est une réfutation aux gens qui, des fois, comme le dit le shir, lorsque tu les vois, toi par exemple, tu as une allure de stikama, tu es un frère en apparence sur la sunna, avec ta barbe, avec ton kamis propre, mimolet, ou tu es une sœur avec le hijab légiféré, le visage couvert, ou ainsi de suite, avec le voile qui recouvre bien ton corps, bien large et ample, tu viens conseiller celui qui enfreint cela, eux, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Certains vont te dire, c'est pas important, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans les cœurs, la foi dans les cœurs. Tu dis, la foi dans les cœurs, mais ce qui est dans les cœurs se reflète sur le corps, comme le prouve ce hadith. Si ton cœur était pur et sain, cela se reverrait sur ton corps. Hein? Donc les gens qui te disent ça, alors que tu les vois, les femmes, par exemple, habillées de façon comme des dépravés, ou des frères qui sont habillés comme des koufars avec des pantalons serrés, ou je ne sais quoi, qui se rasent la barbe, ils font des péchés ouvertement devant toi, et quand tu les conseilles, ils te disent la foi dans les cœurs, tu me dis, oui, c'est vrai. Mais cependant, si ton cœur était pur, cela se reverrait sur toi. Comme l'apparence, le musulman, hein, qui aime Allah et son messager, cela est apparent sur lui. Nous ne disons pas que le désobéissant n'aime pas Allah et son messager. Cependant, son amour est bas et faible. Son amour est bas et faible. Ensuite, Ibn Rajab. Donc là, ça s'achève les paroles de Shir. Habizallahu ta'ala. Là, j'aimerais citer juste en mode de feuilleta pour finir ce hadith. Ce que a rapporté Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, dans son livre, également dans ce hadith, où il dit. Donc il dit. كالذين يزعمون أنهم يحبون السنة يحبون الرسول قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن نحب ربنا حبا شديدا فأجب الله أن يجعل لحبه علما فأجاب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل هذه الآية فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن هنا قال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. Donc ceux qui prétendent qu'ils aiment la sunna, hein, et qu'ils aiment le messager sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan Basri a dit que certains compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam lui ont dit: oh messager d'Allah, nous aimons notre Seigneur d'un amour grand, d'un grand amour. Alors Allah a répondu qu'il mettrait un signe prouvant cet amour, justement. Et il fit descendre ce verset, dans le sens relatif et approché, où il dit: dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Al-Hassan, il a dit: sache que si jamais, ou plutôt sache que tu n'aimeras jamais Allah, hein, tu n'aimeras pas Allah plutôt, tant que tu n'aimeras pas son obéissance. Donc celui qui prétend aimer Allah, doit aimer son obéissance. Et également, qala Ishaq Nahar Jawri, kullu man idda'a mahabbat Allah azza wa jal wa lam yuwafiq Allah fi amrihi fa da'wahu batil. Hein? Ishaq Nahar Jawri, il a dit que tous ceux qui prétendent qu'ils aiment Allah, tant qu'ils ne se conformeront pas à son ordre, alors leur prétention est fausse, elle est vaine. Tout cela est vain. Celui qui dit j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne l'obéit pas, comme il se doit, celui-là c'est une prétention. Nous ne disons pas qu'il n'aime pas Allah du tout, mais son amour est faible. Et cela, comme nous l'avons dit, se retransmet, hein, Amr'u ma'aman ahabba, que l'homme est avec celui qu'il aime. Par exemple, demain un musulman qui aime la sunna, qui aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou une femme qui aime le messager d'Allah et qui aime ses femmes, le ressemblera. Ça c'est une chose qui est évidente. Le musulman, même l'être humain, regardez bien, par exemple, ceux qui aiment les artistes à la télévision, qui aiment les chanteurs, les sportifs, ils portent des vêtements que leur nom sur eux. Tu vas voir un tel, il aura le nom d'un joueur de football sur son dos. Tu verras un autre, il aura le nom d'un groupe de musique sur lui. Tu verras une femme mettre un vêtement qu'elle aura vu sur une femme à la télévision. Cela démontre quoi? Son amour pour eux. Hein? Cela démontre leur amour pour eux. Tout comme le musulman qui aime la sunna, cela se verra sur lui. Il va mettre le kamis, il va mettre le hizar, le pagne comme on dit. La femme va mettre le jilbeb, légiférer. Donc celui qui te dit « moi j'aime la sunna » et qui ne la porte pas et qui ne la fait pas apparaître sur lui, on dirait ta prétention est vaine. Car le cœur s'il est pur, le reste de membres le sera. Donc de ce hadith, j'aimerais finir, clôturer ce derf par des paroles de salaf quant au fait que la vraie piété est le fait de mettre une barrière entre toi et l'illicite, quitte à délaisser des choses licites, choses halal. Tu sais qu'elles sont halal, et ben tu le délaisses pour mettre quoi une distance entre toi et l'illicite. Et Ibn Rajab y rapporte de Abu Darda qu'il a dit Tamam taqwa an yattaqi Allah al-abdu hatta yattaqiyahu bi mithqal dharra hatta yatruka ba'd ma yara anhu halal khashya an yakun haraman hijaban baynahu wa bayn al-haram. Qu'Abu Darda il a dit radiyallahu anhu que la pure piété, c'est que le serviteur craigne Allah, ne serait-ce que par un atome. Qu'il délaisse certaines choses qu'il voit qu'elles sont halal, par crainte qu'elles ne soient haram. Pour mettre une barrière entre lui et entre le haram. Et le Hassan, également, il a dit, « Mazalat il taqwa bil muttaqiyin hatta taraku kathiran il halal mukhafatan ou mukhafat il haram. » Qu'il a dit que la taqwa n'a cessé d'être avec les pieux, les muttaqiyin, à tel point qu'ils ont laissé beaucoup de choses halal par peur de tomber dans le haram. Et quand al-Maymoun ibn Mahran la yasimu li rajuli al-halal hatta yaj'ala baynahu wa bayna al-haram hajizan min al-halal. Et que l'homme ne se soumet pas au halal tant qu'il n'aura pas mis entre lui et le haram une barrière qui elle-même est constituée de halal. Wa qala Sufyan ibn Uyayna la yusibu 'abdun haqiqat al-iman hatta yaj'ala baynahu wa bayna al-haram hajizan min al-halal. Que Sofiane, Nouinaina, il a dit que le serviteur n'aura pas atteint la réalité de la foi tant qu'il n'aura pas mis entre lui et le haram une barrière de halal et qu'il délaisse les péchés et ce qui y ressemble, les choses équivoques, ambiguës. Et également, lui-même, Ibn Rajab, il dit dans son livre Amma man ata shay'an mimma yadhunnu annasu shubhatan li'ilmi bi'annahu halal fi nafsi al-amr. فلا حرج عليه من الله في ذلك لكن إذا خشي من طعن الناس عليه في ذلك كان تركه حينئذ استبراء لعرضه فكان حسنا فيكون حسنا عفوا. Que celui qui accomplit une chose, hein, qu'il sait qu'elle est halal, mais que les gens pensent qu'elle est haram, mais que lui a la science qu'elle est halal, auprès d'Allah, il n'y a aucun blâme pour lui qu'il la fasse. Hein? Cependant, si jamais il craint que les gens ne parlent sur lui et ne le diffament pour leur ignorance que cette chose justement elle est halal, voyez, elle est halal, alors qu'il délaisse cette chose-là, à ce moment-là, cela est une bonne chose. Cela c'est le wara qui rend dans le hadith, qu'il a mis une barrière entre lui et le haram par une chose halal. Comme les salawat, les actions obligatoires. Pourquoi, parmi les sagesses des rawatib, les salats surrogatoires, d'avant et d'après les salats obligatoires, ceux-là les savants ont dit qu'elles ont été mises comme étant une barrière pour préserver justement l'acte obligatoire. Comme ça, le jour où tu as une faiblesse et tu délaisses ces surrogatoires, cela n'atteindra pas ta salat obligatoire. Tu auras délaissé ce qui n'est pas obligatoire, donc pas de péché sur toi. Cependant, si tu te contentes de ne faire que les choses obligatoires, le jour où tu auras une faiblesse, il se peut que tu délaisses justement les choses obligatoires. Donc de là, hein, les actions surrogatoires sont une préservation des actes obligatoires. Naam. Donc de là s'achève le ders. Fa naktafi bi hadha al-qadr wa naqul alhamdulillah rabbil alamin.